Livre 4. La religion est glorifiée. Dans les trois premiers livres du recueil, Victor Hugo a souvent souligné combien la religion était bafouée et s'était rendue complice des succès de Napoléon III. Dans ce livre 4, il vise plus spécialement les journalistes catholiques. Petit rappel, Escobar est un jésuite espagnol du XVIIe siècle, Patouillé, un jésuite dijonnais du XVIIIe, et Bobèche, un célèbre bouffon du Premier Empire. Parce que vous comptez d'effroyables sornettes qui font des temples saints trembler les vieux piliers, parce que votre style éblouit les lunettes des duègnes et des marguilliers, parce que la soutane est sous vos redingotes, parce que vous sentez la crasse et non l'œillet, parce que vous bâclez un journal de bigotes pensé par Escobar, écrit par Patouillé, pour attirer les sots qui donnent tête bêche dans tous les villes panneaux du mensonge immortel, vous avez adossé le tréteau de Bobèche aux saintes pierres de l'autel. Vous vous croyez le droit, trempant dans l'eau bénite, cette griffe qui sort de votre abject pourpoint, de dire « Je suis saint, ange, vierge et jésuite. J'insulte les passants et je ne me bats point. » Votre immonde journal est une charretée de masques déguisés en prédicant Camus, qui passent en prêchant la couille ametée et qui parlent argot entre deux orémus. L'église du bon Dieu n'est que votre buvette. Vous offrez l'alliance à tous les inhumains. On trouvera du sang au fond de la cuvette, si jamais, par hasard, vous vous lavez les mains. Ô saint du ciel, est-il, sous l'œil du Dieu qui règne, charlatan plus hideux et d'un plus lâche esprit, que ceux qui, sans frémir, accrochent leur enseigne au clou saignant de Jésus-Christ.